Bien-aimés, nous sommes encore avec Nicodème et Jésus au milieu de la nuit. Vous savez, Jésus qui est là, qui a commencé son ministère et puis qui a reçu déjà un accueil très chaleureux de la part des Israélites, mais aussi qui a reçu beaucoup d'incompréhension et d'ailleurs il doit en souffrir terriblement. Et puis il y a au milieu de cette nuit, eh bien, cet homme, Nicodème, pharisien, qui vient lui poser des questions, qui vient lui demander, et qui est tout à fait ébahi par tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend dire sur Jésus, qui lui pose des questions. Et alors, après un échange extrêmement riche entre deux, Jésus va conclure un peu cet échange avec ces phrases que nous venons d'entendre, où Jésus parle de lui d'abord. Il parle de lui en parlant de celui qui vient d'en haut. Il vient d'en haut, ce Jésus, il vient du ciel. Alors bien souvent, vous voyez, ça c'est un grand drame aujourd'hui, on a du mal à croire que Jésus vienne vraiment du ciel. On pense que c'est un homme, un grand sage, qu'il a des paroles de sagesse très humaines, terrestres. Mais bon, bien sûr, alors il est éclairé, il est illuminé, peut-être inspiré par Dieu, oui. Mais on a du mal à croire que vraiment lui vient du ciel. Et il ne parle pas seulement de choses qui lui sont inspirées, il parle de choses qu'il connaît dans son être profond, qu'il connaît vraiment. Voilà ce qu'il veut faire comprendre à Nicodème. Vous voyez, tu es en présence maintenant, et c'est très humblement, avec toute la vérité, en présence de Dieu lui-même. Voilà Nicodème, tu es en présence de Dieu lui-même. C'est ce que nous vivons ici dans cette église, quand nous communions, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole du Christ, nous écoutons la parole de Dieu lui-même. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas venir ici simplement pour essayer de trouver des clés de sagesse humaine, même si bien sûr Dieu peut nous en donner. Mais Dieu veut aller beaucoup plus loin que ça, il veut nous faire voir les choses à partir d'en haut. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce Jésus ? À propos du ciel, à propos de ce qui est céleste. Vous voyez, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est terrestre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Mais celui qui vient du ciel, il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et il parle vraiment de ce qui se passe derrière. Et c'est vraiment, quand Jésus nous parle, eh bien nous devons écouter ce qu'il nous dit. Que nous dit-il ? Il nous parle de la vie éternelle, du royaume de Dieu. Il nous dit d'abord que oui, il y a une vie éternelle auprès de Dieu, qui est une vie de bonheur éternel, une vie où nous sommes totalement comblés par la puissance de Dieu, que nous n'avons pas été faits uniquement pour vivre quelques années sur la terre, mais que nous avons été faits pour une gloire immense, chose que nous n'arrivons pas à voir et à imaginer par nous-mêmes. Pourquoi ? Eh bien parce que de manière assez mystérieuse, nous avons perdu cette vision à cause du péché, à cause du mal qui est rentré dans notre cœur. Nous n'arrivons pas à voir ces choses-là, ces choses qui sont surnaturelles, ces choses qui viennent du ciel. Et alors, nous vivons comment ? Nous vivons de manière terrestre, en disant « Oui, il faut absolument que je réussisse ma vie terrestre, que je gagne plein d'argent, que j'ai une bonne réussite. » Ou bien même en se disant « Non, non, l'argent, ça ne sert à rien, il faut simplement que je passe du bon temps. » Alors il en faudra un petit peu de l'argent, et puis il faudra surtout bien réussir ces petites affaires terrestres, avoir une belle famille, avoir de beaux enfants, avoir tout ce qu'il faut. Et c'est ça qu'on cherche à toute vitesse, avec toutes nos forces. Tout ça est formidable, tout ça est merveilleux, tout ça est très bon, et Jésus s'en réjouit. Seulement, il veut que nous voyions que tout ça n'a de sens que si c'est mis au service de la vie éternelle, que si c'est pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Vous voyez, ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que même si notre vie terrestre n'est pas forcément réussie comme nous avions prévu, ou comme nous aimerions, même s'il y a des déconvenues, même s'il y a des choses même parfois dramatiques dans nos vies, il faut regarder après. Il faut aller voir derrière et saisir l'occasion qui nous reste, le temps qui nous reste dans la vie pour nous préparer à la gloire éternelle, pour accueillir de Dieu sa puissance qui nous emmène vers quelque chose de plus grand. Alors frères et sœurs, voyez ce que Jésus essaye de nous faire comprendre. J'espère que ça descend en nous. Parce que malheureusement, quand Jésus parle, il voit que son témoignage, ce qu'il parle de la vie éternelle, ce qu'il dit de la vie éternelle, n'est pas reçu. Et bien souvent, c'est notre problème, c'est que nous ne recevons pas tout ça. Très bien, nous disant « Ah oui, c'est merveilleux », et puis dès que nous sortons de ça, nous revenons à nos choses terrestres, et nous vivons de manière terrestre. Et nous pleurons nos défunts en disant « Oh là là, ils sont plus là, ils sont plus là, ils sont plus là », sans penser qu'ils sont de l'autre côté, sans penser que nous allons les rejoindre, sans penser que tout ce que nous vivons sur la terre doit nous permettre de nous préparer à vivre dans l'éternité. Alors, voyez ce que Jésus essaie de nous faire comprendre, c'est que d'une part, nous avons du mal à voir ce qu'il y a de l'autre côté, alors qu'il faut l'écouter pour ça. Non seulement il faut l'écouter pour recevoir ce qu'il veut nous dire, pour éclairer notre intelligence, mais aussi parce qu'il y a bien des choses de notre vie terrestre qu'il va falloir changer, qu'il va falloir abandonner, que nous nous préparons si mal à nous affairer à nos affaires, au lieu de nous affairer aux affaires de Dieu. Vous voyez, nous sommes si peu ce matin à prier dans cette église. C'est bien la preuve qu'il y a très peu de monde qui se préoccupe de savoir ce qui se passe derrière. Et peut-être que même nous, nous qui sommes ici, nous nous préoccupons peut-être de bien des choses, mais que nous ne venons pas toujours ici en préparation de la vie éternelle, mais bien plutôt pour demander à Dieu de s'occuper de nos petites affaires terrestres. Alors voyez, c'est ça que Jésus veut nous faire comprendre. Il y a quelque chose, il faut nous faire notre examen de conscience et nous échanger quelque chose dans notre vie, dans notre façon de voir, de penser, nous tourner radicalement vers les choses du ciel parce que c'est elles qui donnent un sens aux choses de la terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.